qui écoutent le son que vous postez ou l'histoire que vous allez raconter de votre ville, bah, vous allez être rémunéré en fonction, un peu comme un YouTube ou quelque chose comme ça. C'est bon, tout dit ? On a tout dit. Merci. On pourra presque faire un concours de la restitution. On est à 2 minutes 18 ici. Bravo. C'est toi, Jean-Yves, qui est en Chine ? Bon, je prends la suite. Alors, notre sujet, c'était dévoiler et conserver l'identité sonore d'un lieu. Bon, je suis rassuré parce qu'on avait beaucoup de concepts, mais je vois que l'équipe d'avant en avait beaucoup aussi. Donc c'est très bien. Quand on a commencé à discuter de tout ça, on a fait une liste de points qui nous paraissaient des points de problème, des pain points, qu'on appelle ça en design UX. On s'est très vite rendu compte que les urbains, on s'est concentré sur la ville, que les urbains avaient un rapport assez particulier avec le son de la ville. On est très vite dans l'agression, l'invasion, le niveau de décibels qui est très élevé. Et donc on était vraiment dans cette vision négative. Et l'objectif global finalement des concepts qu'on vous propose, c'est de se reconnecter avec le son de la ville, de ne plus le subir, de le vivre en pleine conscience. C'est un peu le fil rouge de nos échanges. Autour de ça, on a défini plusieurs concepts. Le premier, ce serait un filtre urbain qui nous ferait ressortir des typologies de sons auxquels on est sensible. Par exemple, on pourrait filtrer que le végétal ou que les sons animaux pour n'entendre que les oiseaux et le bruissement des arbres sous le vent. Et pour chaque son qu'on entendrait, on aurait sur notre téléphone portable un feedback par rapport à ce qu'on entend. Par exemple, bah, tiens, il y a tel oiseau qui est en train de chanter, regarde, il est au-dessus de ta tête, etc. Après, on a développé tout un pan de concept autour du rapport entre le temps et l'espace dans la ville, en se disant que, par exemple, ce serait intéressant de se rendre compte, quand on est dans un lieu, quel est le son de ce lieu à un autre moment de la journée. Je me promène dans un marché à midi, bah, quel son dans ce marché-là il y avait à 6h du matin, c'était certainement beaucoup plus calme. Et si on extrapole autour de ça, on pourrait se dire qu'on pourrait aussi choisir un lieu de la même typologie, mais dans une autre ville ou dans un autre pays. Je me promène dans un marché à Lyon dimanche matin, bah, le même marché mais à Dakar, c'est quoi l'ambiance sonore au même moment pour pouvoir faire des comparaisons autour de ça. Troisième contexte qu'on a développé, c'est tout ce qui est autour de la vision subjective d'un son, d'une ambiance sonore de la ville. Donc ce serait une application qui nous permettrait de poster des sons et de poster la vision qu'on en a et le ressenti qu'on a de ces sons-là, donc là pour le coup en texte. Et d'autres personnes pourraient décrire leur vision subjective du même son pour pouvoir créer des constellations de définitions et voir quels sont les éléments qui ressortent, qui sont en commun, pour pouvoir définir les marqueurs identitaires de ces différentes ambiances sonores. Après, il y avait un concept autour de quelque chose de ludo-éducatif qui permettrait d'entendre une ambiance sonore d'un lieu et de devoir, sur la carte, le repositionner. Donc se dire, bah, est-ce que je suis dans un marché en Chine, est-ce que je suis sur une autoroute à Shanghai, etc. J'ai fait 3 minutes 12. Et le dernier point, celui-là, on va le sauter, je m'excuse, chère équipe. Le dernier point, ce serait de pouvoir découvrir un lieu, en fait redécouvrir les lieux par rapport au son de ces lieux, aider les gens à être de nouveau attentifs à l'environnement sonore qu'il y a autour d'eux. Donc l'idée, ce serait par exemple, je suis sur une place et le service me dirait, bah, tiens, regarde, tu es ici, au sol, c'est des pavés, quel est le son des pavés, tape sur les pavés, écoute le bruit des voitures qui sont en train de passer sur ces pavés. Lève la tête, au-dessus de toi il y a des arbres, bah oui, il y a des oiseaux dans les arbres, il y a le bruissement des arbres, etc. Et puis aussi peut-être aller plus loin en proposant aux utilisateurs d'interagir avec ces lieux, en leur proposant d'être dans une ruelle où il y a de l'écho et de se mettre à chanter, ou alors de passer à côté d'un lampadaire et puis de taper dessus pour voir le bruit qu'il fait, etc. Voilà, merci. Merci beaucoup. Rebonjour. Nous, on est parti sur un casque, donc sur un objet, sans application, un casque autonome interactif avec plusieurs options. Donc on pourrait avoir une option avec contrôle actif si on veut atténuer le son ambiant. Donc ça permet, on prend le son qu'on perçoit, c'est comme les casques de chantier. Le son est filtré avant d'arriver à nos oreilles. Donc on peut carrément annuler une grosse partie du son. Une option qui serait un peu plus ludique, qui serait le terme qui avait été amené, c'était chat roulette sonore. Donc toutes les personnes qui ont le casque et qui sont à telle distance peuvent entendre une playlist ou un bout, un morceau d'une autre personne qui a le même type de casque. Un système de warning aussi qui peut être diffusé, c'est-à-dire si il y a un accident qui s'est passé à tel endroit, on appuie sur le côté sur un bouton du casque, on sait que toutes les personnes qui ont le casque à telle distance peuvent être au courant qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ou il faut voilà, faire attention. Et j'avais un autre point, ludique, et je ne retrouve pas le quatrième. Donc voilà, bon, il y en avait un quatrième. Donc un casque interactif d'échange. Ouais, mais c'était ça, l'échange avec le chat roulette. C'est déjà dit. Voilà. Quatre options, mais j'en ai sorti que trois. Ben, merci. Merci beaucoup. Alors nous, notre petit groupe a réfléchi de manière collective sur la notion donc de où est-ce que on fait intervenir la surprise. Donc c'est l'idée d'en faire intervenir la surprise dans les habitudes du quotidien, sur le parcours, du coup aussi des habitants de la ville, dans un objectif de créer potentiellement un lien de convivialité. Donc chaque personne du groupe pourra présenter ses projets, ils sont affichés là-haut. Pour aller voir, ils ont fait des petits schémas. Et ensuite, le groupe a décidé d'orienter un peu plus sa chaleur sur ce projet-là. L'idée, c'est en gros d'avoir une notion de... Ça s'appelle espace détente. Et c'est une notion de... quand les gens sont stressés, parce qu'ils sont là à attendre au passage pour piétons, ou tout au moment où les gens sont dans des situations d'attente et dans des zones de forte teneur en humain, si je peux dire ça comme ça, proposer une sorte de point sonore qui se déclenche soit par choix, soit automatiquement. Et en fait, ça s'apparenterait sur le schéma avec une petite borne qui va générer en fait de la musique agréable ou qui va générer des sons qui sont un petit peu justement cette notion de surprise, mais d'une surprise en fait qui est partagée par un collectif et qui va créer du lien autour de cette surprise-là. Voilà. Et pour faire le lien avec un autre projet qui était noté là-haut, c'était donc là au niveau c'est la surprise qui crée du lien au niveau d'un événement collectif. Mais il y avait aussi une idée de créer de la surprise en fait en changeant le bruit. Par exemple, quand on jette quelque chose dans une poubelle, au lieu que ça fasse le bruit habituel qui n'est pas agréable, ça fasse un autre bruit, qui soit lui un bruit agréable, donc on change ça. Il y avait la notion aussi de se dire que quand on est sur le parcours du quotidien, les gens peuvent continuer à faire le parcours du quotidien, mais proposer un petit peu toutes ces surprises-là sur des parcours qui sont annexes, où les gens peuvent choisir d'aller pour justement se laisser surprendre et pouvoir se connecter avec les autres. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir participé à l'exercice et avoir amené ces idées. Maintenant, je vous propose de passer la parole à Jean-Michel qui va organiser donc, le tirage au sort. En fait, le tirage au sort est déjà fait. Je vais juste demander par contre à Fabienne comment on bascule là-dessus. Pendant ce temps-là, le jury des étudiants est en train de délibérer. Hein. Et donc, vous allez voir. Donc, tous ceux qui ont gagné un livre s'affichent ici. Et vous pouvez venir chercher votre livre. Donc ça, c'est pour le livre. Ensuite, les t-shirts, c'est là. Et en fait, il y a encore d'autres lots dont Bertrand ne vous avait pas parlé, qui sont en fait des licences. Et alors, les licences, c'est quoi? C'est soit des licences pour des livres accessibles, c'est des livres américains, hein, accessibles sur l'architecture d'information accessible en ligne, ou alors ce sont des licences d'applications. Pour ceux qui connaissent Sketch, Axure, il y en a encore une ou deux autres. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vous... pour les licences, c'est nous qui devons envoyer le nom et l'adresse mail de la personne. Donc ce qu'on va prendre simplement, c'est vos adresses mail pour tous les dons qui sont affichés là. Et pour les autres, eh bien, il suffit de venir les chercher. Donc les t-shirts sont là et les livres sont là. Donc vous pouvez venir tout de suite et on vous les distribue. Tu te demandes s'ils veulent en anglais ou...